La doublette à venir dans l'aspect française nous vient de l'ouest de la France. Tout d'abord, Fange, le groupe rennais, actif depuis pile 10 ans, qui nous balance un nouvel album metal indus, presque même death metal, avec quelques éléments un peu sludgy. Hein, on est assez loin de l'ambiance vraiment sludge noise du début. Voilà, une ambiance vraiment martiale, froide et très très très synthétique, avec des sonorités même post-punk et cold wave. Notez l'arrivée récemment d'un second guitariste, Titouan, qui est passé avant ça par Acidia Mundi et autres Phil Skulls et Pectaz. Et en doublette avec la formation rennaise, les Nantais de Vosegus, le groupe de Pagan Black, ma foi bien qualitatif, hein, la consanguinité de la scène du style venu de Nantes, avec des membres de FT17, Circle of Hell et autres, voilà, du Pagan avec même un petit peu de folk dedans. Plutôt frontal et hargneux, avec des textes chantés en français. Au niveau des présentations, le tour est fait. Maintenant pour la musique, Fange, le titre Sans Vinaigre, extrait de l'album Privation, toujours dispo via SourceRunner. Vosegus, ensuite, le morceau Une vie pour la vie, extrait de l'album Retourne à la Terre. Et on s'écoute ça tout de suite. continue à dérouler tranquillou l'aspect française avec une formation qui nous vient de Rennes une fois de plus, Hardmind, le très bon groupe de hardcore qui vient de démouler un nouvel EP. Petit 7 titres, des compos assez brefs, hein, 1 à 2 minutes, mais bon, ça tape toujours aussi efficacement pour ce groupe du RNHC. Endless Fall, c'est le nom de ce nouvel EP, déjà dispo chez Useless Pride, on s'écoutera le titre Test of Death. Et ensuite, Ordalie, autre nouveauté pour ce soir, nouveauté de l'aspect française. Un groupe de black qui nous vient de Grenoble, actif depuis une douzaine d'années. Discographie assez maigre, hein, une démo qui a vu le jour en 2015, et enfin seulement un premier album cette année. Le disque est plutôt bref, 5 véritables morceaux plus une intro et une outro, au total d'à peu près 35 minutes. On est sur un black très froid, très violent, qui n'est pas sans rappeler la scène suédoise du côté de Marduk et autres Funeral Mist. Ordalie, on s'écoutera le titre Resurrection, extrait de l'album Mass of Perdition, en doublé donc avec Hardmind. C'est parti. Fucking idol, that's my desert, taste of death. Allez, on referme la porte de l'aspect française avec un tout dernier groupe hexagonal, Asyl Obscène, groupe de death qui nous vient de Tarbes. Ils viennent juste de sortir leur tout premier album studio. Le groupe ne date pas d'hier, hein, il a vu le jour au tout début des années 2000, mais les premières sorties n'ont vu le jour qu'en 2010. On est sur un death old school qui va chercher ses inspirations du côté de groupes tels que Malevolent Creation et autres Crigione. C'est pas forcément neuf dans le style, mais ça tape comme il faut et c'est surtout très bien fait. Et en doublette avec Asyl Obscène, un des focus de la semaine dernière, une excellente découverte, Dryad, groupe qui nous vient de l'Iowa aux États-Unis, qui sort là son premier album studio chez Prosthetic Records. On est sur une espèce de Black Crust proto-BM, War Black, hein, c'est ultra caverneux, abyssal. Ça va chercher son son du côté de Celtic Frost et autres Hellhammer. C'est à moitié 10 bits par moment. On a même des petites notes de clavier pour assaisonner les ambiances. Et la vocaliste, ma foi, est ultra rare. Asyl Obscène, on s'écoutera le titre Abyssal Drakkar, extrait de l'album Horribilis Sanctum. Dryad, le morceau Trenches, extrait de l'album The Abyssal Pain. C'est parti. Mon cheval est la monture de l'enfer! On approche tranquillou de la fin de l'émission de ce soir, donc voilà, une des dernières doublettes pour aujourd'hui. Cold Proclesis, très très bon groupe de Brutal Soundless qui nous vient d'Angleterre, actif depuis une dizaine d'années. Ils sortent là leur second album studio, 6 ans après le premier album. Entre temps, on a pu voir un EP et surtout des changements de line-up et de label. 11 titres pour 28 minutes, quelques guests par-ci par-là, voilà, on est à fond dans les codes du slam death, dévastateur, groovy, et ça écrase bien comme il faut. Et ensuite Lividus, formation qui nous vient de l'Oregon aux US. On est sur un thrash death prodigant, à chanteuse, d'ailleurs la vocaliste vient du groupe Hammers of Misfortune, hein, du coup apporte une touche un peu... heavy, épique, doumisante, c'est riche, c'est aussi imprévisible. Hein, le batteur vient de chez Skeletal Remains, c'est ultra riche, ce qu'on peut retrouver musicalement, voilà, leur thrash death avec plein d'inspiration dedans. Voilà pour la doublette à venir. Cold Proclesis Evangenital Obliteration, extrait d'album Elegant Degradation, une sortie Reactivated Records. Lividus The Witness, extrait de l'EP Terra Torns. He's experienced about as much pain and suffering as anyone I've encountered, give or take. And he still has hell to look forward to. Yeah. Avant-dernière doublette dans l'émission de ce soir et avant-dernière nouveauté, Megaton Sword. Je n'invente pas ce nom de groupe. On est sur du, bien évidemment, Heavy Epic, ça nous vient de Suisse. C'est également une sortie chez Dying Victims. La formation nous vient des environs de Zurich, active depuis une demi-douzaine d'années, pardon. Leur deuxième album vient de voir le jour. Pour vous situer, on est un peu dans la même veine qu'un Gatekeeper, voilà, un Heavy Epic, aventureux. Un chanteur avec une capacité vocale assez originale, ça se veut un peu dramatico-théâtral, sans être non plus hyper aigu. Et voilà, le gars est vraiment très impliqué dans ses lignes vocales. Un Heavy plutôt travaillé, voilà, qui peut se recouper une fois de plus avec les Eternal Champions, autres Visigoths, et même les vétérans de Mania Roads et autres Siris Ungol. Ensuite, dans un style totalement différent, les Russes de Seven Age Stargate, le groupe de Technical Brutal Slam Death qui nous vient de Russie, donc, actif depuis une douzaine d'années, qui fait un petit up, passant de Severed Records à Willowtip en termes de label. L'album avait commencé à dater, hein, puisque le premier date de 2012-2013. Voilà, musicalement, c'est toujours aussi ultra barré, violent et très très très inspiré, on ne boude pas son plaisir, puis sur scène faut vraiment aller voir les Seven Human Target. Megaton Sword, Coward Remains, extrait de l'album Might and Power, y a rien qui s'invente sur ce groupe, c'est ultra cool. Seven Human Target, ensuite Creating God Arms, extrait de l'album Yanta Creating, c'est parti. voilà, vous êtes toujours sur les ondes du 93.6, c'est la clôture d'Hellbanger pour l'émission d'aujourd'hui avec la toute dernière doublette. On a tout d'abord Tristan qui nous propose du trash venu de Santiago du Chili, formé en 2009, voilà, et c'est seulement le premier album studio qui voit le jour. La recette, elle est très simple, ça vient du Chili, c'est du trash, c'est encore une sortie d'Ang Victim Production, un disque de 8 titres pour une petite trentaine de minutes, c'est radical, violent, old school à souhait. On peut situer ça entre les vieux Sepultura, Demolition, Hammer, avec une petite touche de technique à la sauce Forbidden. C'est ultra cool à s'écouter, Tristorn. Et pour clôturer l'émission de ce soir, la dernière des nouveautés, Deep Rave de Murder. On est sur Brutal Death qui nous vient d'Indonésie, actif depuis une douzaine d'années maintenant. Le troisième album studio vient de sortir chez Comatose Music. Voilà, ça rigole zéro au niveau du duo venu d'Indonésie, en mode rouleau compresseur, groovy, féroce à souhait. Les titres excèdent rarement les 3 minutes. The Anguish of Dystopian, extrait album Unethical Terrestrial Collapse pour Deep Rave the Murder, et juste avant ça, Tristan, Black Fire, extrait de l'album Into the Void. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, rendez-vous dimanche prochain, ciao ciao.